Surprise, j'arrive en temps de crise endurcie. Tous on emprunte le même raccourci. Plus c'est dur, plus nos points durcissent. La liste pocket, je veille sur la santé de mes rangs. Trop de conneries, moins en moins gay, mais un texte rempli d'espérance. 19 piges, l'avenir est corps et triste. Les roses sont grises, trop de schlac sur l'héroglyphe. La Mali en hiéroglyphe. Place des chips pour son motif, pas pour les baltrins qui démotivent. 1 pour ma street, 2 pour les bad boys qui écoutent nos titres. Aïe, là y'en a marre. J'pars en watch out pour tous mes camarades. L'instru j'arrache, la république une pute qui fait que nous chauffer. J'ai pas cul ma rage, les gars de ma race, un flanc incomparable. Mais qui tu veux m'arrache, la malice pointe, t'as les fronts des barrages. Pas de bras cassés dans les parages. Pour capter mon rap, t'as pas besoin d'Olpara. Écoute, c'est mémorable, j'dirais même tellement rare. J'rime en A, évidemment A. 19 pigé A, sans diplôme égal. Sans boulot, ça j'ai pigé A. Moi j'suis un petit Cefran qui rappe de façon clandestine. Ne crois pas savoir la valeur, parce que ton clan t'estime. Sur CD, nos vies n'ont pas parfum d'Yves Saint Laurent. Excédé de n'être qu'un feu, elle serait parfaite, nous Yves Saint Laurent. J'y retourne en veste, voudrais me la mettre à l'envers. Quoi de faire pour commentir, puisqu'on est déjà en enfer. Que le dentiste et ton ego t'ont permis d'être couronné. Je mords car j'ai une dent contre tes fils de pute qui m'ont couillonné. Parce qu'à chaque rime j'envoie mon stylo en désintox. Sans un texte riche t'es pas vu sous le soleil de Saint-Trope. Et oui moi j'apprécie le calme et les textes agressifs. Je te l'ai déjà dit dans nos visuels, pas de pétasse en parésie. Mais ta connerie qu'elle est grande, moi j'aime la rime élégante. Et les gens pour tout vous dire, je ne prends pas de pincettes et des gants. Les MC aiment les paillettes, sont les meilleurs en cosmétique. Les papes tout complexés rêvent tous élevés des cosmétiques. Pour les bad boys qui esquivent les chemins. Lourd, couloir, ça fait mal. Kick-kick-kick-kick-kick, la chute du disparaît. Les PH team sans motif, y'a un zig de street. Pour les bad boys qui esquivent les chemins. Lourd, couloir, ça fait mal. Kick-kick-kick-kick-kick, la chute du disparaît. On m'a toujours dit, fais les choses bien. Étude ou vente de ch**, fais les choses bien. On trime pour la thune, triche pour des trucs tristes. Crie pour des prunes, vise sur la lune crise. Amateur trop billé pour ça, moi je vais pas roupiller. Le flanc, la tech, toutiller, la grenade est dégoupillée. Roule, on va pilonner mon crew, n'est pas pistonné mes couilles. Range ton pistolet, c'est cool comme un kill volé. C'est pour les gars là et les canailles, ceux qui bananent et cavalent. Nique les mecs baraques, ici ça canard d'un truc de malade. Si tu fais le canard, l'ego, elle te balade. C'est moche comme voir 3 là, j'dire aux keufs, ils ont des calaches. Ne fais pas le con, sur le rein y'a des ronces. Mec les cons défont des rondes de bête et puis ton compte est bon. Une fois sous les écrons c'est d'art vu que là tu perds la boule. Chaque jour tu tapes avec des fous pour éviter qu'ils te pètent le bout. J'ai pas le temps de rire, t'as vu ma tête là, trop fatigué. J'approche de la deadline, mec je veux charcuter avec l'épée Zelda. Ouais je suis dans mon monde et c'est pas celui de Narnia. T'es dans une fac de bouse, ouais moi je suis en reste de housse. Pour ça on brasse de tout, non je me paye pas de place de fou. Rien à gratter, t'es le bienvenu pour passer une soirée vox. Par contre viens pas. Pour jouer le fou, cousin s'est tiré par les cheveux. Eh petit, tu parles trop, pour moi t'es un grand Tommy. Eh petite pute, fais pas la grande si tu fais la planche au lit. Tu punchline de bâtard, c'est barbare le barbare. Génération sale pute, mets ta cam et touche ta chatte. J'rappe le bruit ambulant, les sirènes des ambulances. Soyons clairs, j'mets dans le droit chemin les petits fous déambulants. Faut faire tremper les vitres, alors pétez-en. On vient pas faire les baffes, ça vient d'Orléans sud. Les PH team sans motif, y'a un zig de street.